C'est chacun sa vie, chacun sa vitalité. Lorsque la route tourne, sais-tu quand est-ce qu'elle va s'arrêter? C'est une seule mise, un seul coup, à toi de jouer. C'est chacun sa vie, chacun sa réalité. J'ai décidé de passer la mienne, tenue écartée, les couleurs de la cité, sans omettre de vous citer. Au bas des escaliers, toujours les mêmes têtes bronzées. Sachant que de voyous, on les a déjà classés. Ils ont follement adopté le nom de vedette de ciné. Certains veulent s'appeler Al Pacino, être les numéro uno Ringo. Il te faut protéger ton dos. Voyez devant les bâtiments, ce sont les mêmes gens qui s'obstinent à imiter les bandits et trouvent ça amusant. Sur les bancs, les dealers ont toujours les mêmes clients. Inquiétant, quand arrive le moment du dénouement. Par la délinquance attirée, ils commencent à tirer. D'abord des babioles volent dans les supermarchés. Ulysse prend leur rôle, ça devient beaucoup moins drôle. Quand en sortant de l'école, sortant de on finit en tôle. C'est chacun sa vie, chacun sa réalité. Lorsque la route tourne, sais-tu quand est-ce qu'elle va s'arrêter? C'est un seul tour, une seule mise, à toi de jouer. Cette fois un gosse approche, une main dans la poche, l'air détendu. Il ne ressemble à rien d'autre qu'un autre gosse dans la rue. Ayant appris à ses dépens que le vice est une vertu. Il donne, prend, puis tombe dans le jeu à son insu. Pour lui, faire de l'argent sur le pavé c'est facile. Compte tenu qu'au-dessus de lui il y a toujours plus vil. Pour répandre le drame au gramme dans la ville. Dans l'héroïne, miskine, en paix il s'imagine. J'ai vu des gars de bonne famille partir en vrille. Tomber dans le trou de l'adolescence, ne jamais en voir le bout. Et si ignorance émerde de leur souffrance, de cette dépendance, ils sont tenus à genoux, agités par la houle. Leur confiance en elles-mêmes se déchire comme un navire qui chavire. Ils coulent, on aura beau dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais dites-moi à qui la faute, quand cet enfant c'est le nôtre. C'est chacun sa vie, chacun sa réalité. Lorsque la route tourne, sais-tu quand est-ce qu'elle va s'arrêter? À l'âge où les enfants ne sont plus vraiment des enfants, arrive le moment où ils se foutent de l'autorité des parents, qui ne savent plus quel conseil leur donner. Pourtant ils ont tout fait sans que la faim ni la soif ne puissent les affecter. Pour les élever du mieux qu'ils pouvaient, ils ont sué, se sont privés. Au lieu de rompre, ils ont plié, souhaitant des diplômes pour leur réussite. Et non pas qu'ils commencèrent à s'enticher pour ces choses illicites. Cite-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Voici ce que ma mère ne cessait de me répéter. Mais quand j'y repense, au fond c'est mon bien qu'elle voulait. Mais dans le temps, qu'est-ce que ça pouvait m'offusquer? De savoir que je ne pouvais pas faire ce que je voulais, où je voulais, quand je voulais. Alors en cachette la vie j'explorais, victime de ce besoin légitime de m'évader. J'aurais tout fait pour que mes ailes, mon souffle ne soient pas coupées. C'est chacun sa vie, chacun sa réalité. Lorsque la route tourne, sais-tu quand est-ce qu'elle va s'arrêter? C'est un seul tour, une seule mise, à toi de jouer. Fatalité, d'environnement, je voulais changer. Change your life, stop.